je veux me changer les idées. Je vois un dessin animé. Ça me fait du bien de rigoler et c'est très bon pour ma santé. C'est un vrai plaisir de regarder des Fritzland ou des Walt Disney. Dans leur merveilleux monde enchanté, c'est fou ce qu'ils ont comme idée. J'ai vu Pluto le bon gros chien, Mitzi souris aux yeux malins, Donald avec son et le woodpecker qui fait ça me fait du bien de rigoler et c'est très bon pour ma santé. Quand je veux me changer les idées, je vois un dessin animé. Ce bon Mister Magoo, bon, bon, bon, Bambi, la biche aux yeux si doux. Oh sweet mama, Popeye avec son Popeye le salaman, et le woodpecker qui fait J'ai vu les films de Bugs Bunny, la guerre entre Tom et Jerry, Goofy avec son et le woodpecker qui fait Oh, my God.